Exterminer leur carrière terminée, c'est extra. MC voir ton sang couler du nez, ouais, c'est extra. Les bidous, je peux plus leur pardonner, c'est extra. Tu sais qui c'est, ouais, tu l'as deviné, c'est extra. Exterminer leur carrière terminée, c'est extra. MC voir ton sang couler du nez, ouais, c'est extra. Les bidous, je peux plus leur pardonner, c'est extra. Tu sais qui c'est, ouais, tu l'as deviné, c'est extra. J'esquive toutes les lobas, j'm'emballe pas, donc ne jacque pas. Trop de haut et de bas, faut qu'on se bat, on vit d'un combat. M'arrive fait des crimes et comprime le rap comme la cocaïne. Faut pas dans la trim, la frime pour quelques centimes. Donc je suis extra, vas-y demande à l'RK. J'essaie pas de traîner mon fils dehors, y'a trop d'RK. Extra avec mon flow, mec j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pris du niveau, j'ai lâché les niveaux. J'avance en mode moteur allemand, faisant les bails calmement. J'ai que t'as pris mon rap comme calmant, le seul médicament. On est extra depuis le départ, on lâche pas. Là je fais un 16 qui te parle, on tape pas. Exterminer leur carrière terminée, c'est extra. MC voir ton sang couler du nez, ouais c'est extra. Les bidous, je peux plus leur pardonner, c'est extra. Tu sais qui c'est, ouais tu l'as deviné, c'est extra. Exterminer leur carrière terminée, c'est extra. MC voir ton sang couler du nez, ouais c'est extra. Les bidous, je peux plus leur pardonner, c'est extra. Tu sais qui c'est, ouais tu l'as deviné, c'est extra. Par les bases de la manette, donc je mets la main à la pâte. Je pète à ouate, je pète à cap devant des gens incapables. Mais au fond, on est coupable s'il y a plus rien sur la table. Rien ne sert de courir pour avancer. Faut juste savoir comment fonctionne le système. Tout ça reste le seul dilemme. Je suis né avec cette rage qui est la mienne. Vas-y, viens, je t'emmène. Accroché à un fil comme accroché à la vie. Au premier mois, j'ai bataillé pour la survie. Et puis j'ai grandi et je vois qui sont mes ennemis et mes vrais amis. Né pour avancer, pour ne jamais reculer. Étudier, trois futurs métiers. T'as fait pour gagner des lovés. À quoi ça sert de vouloir se poser le cul sur le canapé si c'est pour ressembler à toutes ces personnalités du JT. Exterminer leur carrière terminée, c'est extra. MC voir ton sang couler du nez, ouais c'est extra. Les bidous, je peux plus leur pardonner, c'est extra. Tu sais qui c'est, ouais tu l'as deviné, c'est extra. Exterminer leur carrière terminée, c'est extra. MC voir ton sang couler du nez, ouais c'est extra. Les bidous, je peux plus leur pardonner, c'est extra. Tu sais qui c'est, ouais tu l'as deviné, c'est extra. Exterminer leur carrière terminée, c'est extra. MC voir ton sang couler du nez, ouais c'est extra. Les bidous, je peux plus leur pardonner, c'est extra. Tu sais qui c'est, ouais tu l'as deviné, c'est extra. Exterminer leur carrière terminée, c'est extra. MC voir ton sang couler du nez, ouais c'est extra. Les bidous, je peux plus leur pardonner, c'est extra. Tu sais qui c'est, ouais tu l'as deviné, c'est extra.